Il n'y a plus d'eau aux Bermudes, tout est mort du nord au sud, la terre entière est à sec. C'est la nature enfin qui juge les après-moi le déluge des assoiffeurs de Varech. Ils ont pollué, pollué, pollué, océans assassinés, fleurs et dauphins décimés. Ils avancent, ils vont vaille que vaille, armés d'une carte en braille sur la colline de la soif. Sous leur chevelure en bataille, un seul démon les tenaille, la morsure de la soif. Trouvés au bout de leur course, les fleurs joyeuses d'une source, pour en inonder le gouffre de leurs gorges et de leurs entrailles, de leurs espoirs qui s'écaillent sur la colline de la soif. Ils avancent, ils vont vaille que vaille, robots cernés de rocailles sur la colline de la soif. Ce ne sont plus vraiment des hommes, ils s'appellent tous personne et supplient sans trop y croire le ciel bleu d'avoir, avant ce soir, la bonté ou le courage de pleuvoir. Ils avancent écrasés d'azur, l'air est plus épais qu'un mur sur la colline de la soif. Les givrés de consommation vont crever sans sommation sur la colline de la soif. Et pendant qu'ils tombent tous et que Dieu se marre en douce, on voit s'avancer au loin comme un long ruban sans fin, la colonne de la faim.